Chapitre 17e. La Gesellschaft se tenait au quatrième étage d'une maison haute et laide, dans une des plus belles rues du quartier allemand. Basse de plafond, enfumée au possible, mal éclairée par des bougies qui ressemblaient prodigieusement à des chandelles, ces deux salles de bal communiquaient à un restaurant décoré du nom de Buffet, où se débitait en abondance de la charcuterie arrosée de bière et de schnapps. Comme l'étiquette et l'élégance sont les premières lois de la vie mondaine, toutes ces pièces, y compris un corridor décoré du nom de fumoir, étaient garnies de rideaux aux embrasures des portes. Mais les portes avaient été enlevées pour faciliter les communications et le parfum du saucisson à l'ail se mêlait agréablement à celui des pipes de Hambourg et des cigares horriblement forts que les Allemands préfèrent au tabac parfumé. La première impression fut pénible pour les nerfs olfactifs de nos amis, peu habitués à des mélanges si compliqués, et puis, on se fait à tout, ils cessèrent d'en souffrir au bout de quelques instants. Victor était ébahi, Demian désappointé. Il trouvait le plafond bas, l'air lourd, l'éclairage mesquin, les femmes rouges et les hommes mal mis. Il avait rêvé autre chose. Hélas, combien de fois en notre vie trouvons-nous la réalité à la hauteur de notre rêve? Il en est tant qui s'en vont avec toutes leurs désillusions. La musique résonna, et les hommes se précipitaient vers les dames, qui, assises le long des murailles, sous la clarté jaune des chandelles, étaient menacées d'un déluge de suif. Heureusement, le majordome prudent n'avait pas ménagé les bobèches, et tout le monde se mit à tourner méthodiquement au son d'une valse de Strauss. Oh, Strauss, roi de la valse, est-ce pour des pieds teutons que vous avez donné des ailes au beau Danube bleu, aux feuilles du matin et à tant d'autres filles de votre cerveau? N'aviez-vous pas pensé que les Viennois seuls danseraient sur ces mélodies du bout de leurs orteils agiles? Les valses de Vienne ont fait le tour du monde. Elles se dansent à contre-temps à Paris et en mesure à Moscou, comme à Berlin et même à Potsdam. Mais là, de larges pieds plats tournent sur eux-mêmes, tout d'une pièce, comme des pieds d'éléphant. Et la mélodie a beau faire, elle ne parvient pas à détacher du sol les corps qui se balancent avec la grâce d'un ours blanc qui fait sa digestion, mais toujours en mesure. Or, que vaut-il mieux, au point de vue de l'esthétique? Valser en mesure et de la façon la plus disgracieuse, ou bien à contre-temps, en dépit du bon sens, comme à Paris, mais avec ces désinvoltures souriantes, des gens qui se trouvent parfaits et ne soupçonnent pas l'existence du mieux? Ce n'est pas Demian qui aurait pu résoudre la question. Il regardait gravement les couples passer devant lui et se demandait comment il s'y prenait pour ne pas se marcher réciproquement sur les pieds. Ayant trouvé ce problème trop difficile, il se borna à regarder les femmes qui l'entouraient. C'étaient pour la plupart des bonnes grosses cuisinières, dont les mains rouges faisaient craquer leurs gants à bon marché. Les femmes de chambre se reconnaissaient à leur mise plus élégante et à leur air impertinent. Jamais on ne pourra se rendre compte de la distance qui sépare une femme de chambre allemande de la cuisinière, sa compatriote. Du reste, ces dernières sentent leur infériorité et se contentent de s'enrichir plus vite, ce qui est une notable compensation. Il y avait là aussi quelques Russes, mariés des Allemands, et passablement dépaysés. Mais quand on danse, la langue importe peu, et ces dames valsaient d'aussi bon appétit que s'ils savaient Goethe par cœur. « Eh bien, dit André à notre ami, est-ce que vous n'allez pas danser ?»« Oh ! » fit Demian effrayé, « je ne sais pas. »« Qu'est-ce que cela fait ? On ne sait jamais la première fois. » Est-ce que vous vous figurez que tous ces braves gens ont eu un maître de danse? Faites comme les autres. La valse terminée, le quadrille s'organisait, et l'on voyait partout des messieurs inquiets entrer en pourparler au sujet d'un vis-à-vis. « Allez donc, » fit André en poussant le jeune homme. « Je ne connais personne. » « Moi non plus, en fait deux dames, au moins. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous présenter. À laquelle ? En voici deux, très gentils. » Je ne sais pas l'allemand, presque pas. On parle russe dans ce coin, à peu près aussi bien que vous pouvez parler allemand. En voici une rousse, une brune et une blonde filasse. À laquelle désirez-vous que je vous présente? Demian hésitait. Son compagnon l'entraîna devant la jeune fille brune et dit à haute voix « Monsieur Markov ». Après quoi il lui tourna le dos et alla rejoindre Victor, qui regardait d'un air enchanté, à moitié caché par un rideau. La jeune brune avait salué et souri. Markov se hasarda à l'inviter pour la contredanse, tout en avouant à demi-voix qu'il ne savait pas danser. « Oh, cela ne fait rien, » répondit sa partenaire. « Parlez-vous allemand ? Bien peu. Et vous, parlez-vous russe ? Pas beaucoup, mais ça ne fait rien. Puisque rien ne faisait rien, tout était pour le mieux, et Demian, prévenu par sa danseuse, se mit en quête d'un vis-à-vis. Il en trouva un qui parcourait les groupes pour le même motif, et 2 minutes après, Demian débutait dans le monde, poussé et tiré par sa danseuse, qui le faisait tourner exactement comme un toton. C'est avec un vif soulagement qu'il vit arriver un temps de repos. Pendant que les danseurs placés sur l'autre côté du carré exécutaient à leur tour la première figure, il s'adressa à la demoiselle qui s'éventait avec énergie. « C'est ennuyeux, lui dit-il, de ne pouvoir exprimer ce qu'on pense. » La jeune fille eut l'air de croire qu'il y avait 1000 manières d'exprimer ce qu'on pense et qu'on peut toujours bien en trouver une. Mais elle ne savait pas assez de russe pour le dire avec modestie, ni son cavalier assez d'allemand pour l'entendre à demi-mot. Elle se contenta de lui lancer une œillade coquette et de rire assez haut sans se gêner. « Comment vous nommez-vous ? » dit tout à coup Demian encouragé. « Caroline Neumann. Et vous, monsieur Markov ? Votre petit nom ? » ?»« Demian. C'est joli. »« Caroline est plus jolie. Je ne trouve pas. »« À vous donc, là-bas ! » s'écria la voix du directeur des danses. Et Demian se précipita, tête baissée dans le quadri, provoquant un fou rire dans les rangs des danseurs. Honteux de sa mésaventure, il s'arrêta court, et Caroline fut obligée de le prendre par la main pour le ramener au pas réglementaire. Cet incident mit une grande intimité entre eux, et quand le quadri se termina, Demian obtint la promesse d'une seconde contredanse. « Il faudrait aussi valser et polquer, » dit la demoiselle avec un sourire engageant. « Je ne sais pas. Je vous apprendrai. Venez me chercher pour la première polka. » C'est ainsi que Demian se trouva tout à coup avoir un professeur de danse et d'allemand tout à la fois. Enchanté de ce brillant début, et ne songeant pas à s'assurer d'autres danseuses, il alla rejoindre son frère. « C'est amusant, n'est-ce pas ? » lui dit-il en s'épongeant le front, car il faisait horriblement chaud. « Mais oui, » répondit bénévolement Victor, qui commençait à avoir mal au cœur grâce à l'odeur des victuailles et à celle du tabac combiné. « Tu as dansé ? Tu t'amuses ? » ?»« Allons, tant mieux. » « Et toi, tu ne danseras pas ? Y songes-tu ? Je m'amuse à vous voir faire. C'est très joli, et puis tu danses bien. » Cet aveuglement de l'amour fraternel fit rire Demian, et Victor se joignit à lui, après quoi il leur envoya jouir de ses succès. Enhardi par 2 ou 3 tours de valse qu'il avait ébauchés sans trop de vertige, grisé par l'air chaud, par la lumière, par ce je ne sais quoi toujours prêt à partir des cerveaux de 20 ans comme des bouchons de vin de champagne, Demian avisa une petite blondine qu'un cavalier venait de déposer sur sa chaise. Il l'enlaça par la taille, et les voilà partis tous deux dans ce tourbillon, cognant sans pitié les autres valseurs, mais valsant tout de même, s'il vous plaît. Quand l'orchestre se tut, Demian retourna auprès de Caroline, qui lui fit une scène de jalousie. « Comment ? » dit-elle. « C'est moi qui vous ai appris à danser, et voilà que vous dansez avec une autre. »« Mais, » répondit assez judicieusement Demian, « vous dansez aussi avec d'autres cavaliers. » « Oh, moi, ce n'est pas la même chose. C'est pour ne pas être compromise par vous. » À la pensée qu'il pouvait compromettre une demoiselle, Demian devint rouge de honte et de satisfaction. Cette idée lui ouvrait des perspectives nouvelles. Il lui en eût ouvert bien d'autres, sans sa naïveté et son manque d'usage. Mais Caroline dut y suppléer. Ils commencèrent par se raccommoder, et puis Demian apprit qu'elle était couturière, qu'elle sortait de l'atelier le soir à 8 heures, qu'elle rentrait toujours seule chez elle. Conséquemment, il lui annonça qu'il irait voir si elle lui disait la vérité dès le lendemain soir. Elle lui assura que jamais elle ne lui pardonnerait une pareille méfiance, et tous deux furent parfaitement certains qu'ils s'étaient donné rendez-vous pour le lendemain à 8 heures, ce qui leur inspira la gaieté la plus communicative. Il était environ 10 heures, et la fête était dans tout son beau, sauf que les dames étaient toutes trop rouges, et que les messieurs parlaient trop haut grâce au rafraîchissement, lorsqu'un groupe de jeunes gens se forma sous le lustre. Ils riaient et causaient à tue-tête, comme des gens qui n'ont pas de secret. C'était évidemment la fleur du club. L'orchestre se rafraîchissait aussi, et le violon vint les rejoindre. C'est lui qui remplissait les fonctions de chef d'orchestre et en même temps qui jouait la première partie, de sorte qu'il avait droit à une considération particulière. Après avoir causé un moment, il accepta une chope et se dirigea vers le buffet avec des amis. Cette libation n'était pas la première, et l'artiste titubait légèrement en regagnant le groupe. Le malheur voulut qu'il remarqua Victor, qui jusque-là s'était tenu à demi caché, mais qui, enhardi par l'inattention des assistants, s'était risqué à quitter l'abri tutélaire de son rideau. « Qu'est-ce que c'est que cet Ésope ? » s'écria le musicien en riant d'un gros rire blessant. « D'où tombes-tu, l'ami ? Va-t'en cacher ta bosse. Il ne faut ici que de beaux hommes comme nous. » Il redressait son torse avec satisfaction et passait ses doigts dans ses cheveux gras de pommade. Demian s'élança au milieu du groupe qui avait fait chorus. « C'est mon frère ! » s'écria-t-il. « Et je vous défends de le railler. Il vaut mieux dans son petit doigt que toi, dans toute ta grosse personne. » Il avait parlé russe, mais tout le monde l'avait compris. Avec ses yeux flamboyants, ses cheveux rejetés en arrière, ses narines frémissantes, il était si beau que Mademoiselle Caroline en tomba éperdument amoureuse et que toutes les femmes s'écrièrent d'une seule voix. « Il a bien raison, les hommes sont des lâches. »« Un pauvre infirme !» hurla une voix si aiguë qu'elle domina le tumulte. C'était celle de Caroline. L'assemblée, soudainement houleuse, se partagea en deux camps. Le maître des cérémonies, car la Gesellschaft en possédait un, ni plus ni moins que la cour, adressa un léger reproche au musicien relativement à son manque de charité et de convenance. Celui-ci, non dégrisé mais sentant sa faute, se fraya brutalement un passage parmi les hommes, repoussant par la même occasion pas mal de femmes qui se mirent à pousser des cris de paon. « Ah, on me blâme !» s'écria-t-il. « Pour un méchant bossu qui s'est faufilé parmi nous. C'est bon, cherchez qui vous fasse danser !» Il plongea dans le vestibule, saisit sa pelisse et ses galoches, qui avaient une case à part, et disparut en grondant dans l'escalier. Tout le monde se regarda avec stupeur. Plus de chef d'orchestre, plus de violon, partant plus de danse. L'opinion publique se retourna immédiatement contre Demian. « C'est ta faute !» lui crièrent 20 voix enrouées. « Qu'es-tu venu faire ici ? À la porte, les étrangers ! Nous voilà sans musique !»« Sans musique ! » cria Demian. « Sans musique, c'est cela qui vous gêne ? Il a laissé son violon, l'imbécile. Je vais vous en faire de la musique, moi. » Il bondit sur l'estrade, saisit le violon que le Kapellmeister avait laissé aux soins de ses subordonnés dans la précipitation de sa fuite, et attaqua vigoureusement une valse de Lanner, alors très à la mode et qu'il avait jouée 100 fois. Machinalement, les autres musiciens sautèrent sur leurs instruments et le rattrapèrent de leur mieux. Les couples se formèrent et se remirent en branle, pendant que l'opinion publique, revenant une troisième fois depuis 5 minutes sur un verdict irrévocable, acclamait Demian d'un frénétique hurrah. Impassible, ne daignant pas même sourire, tant il se sentait au-dessus de cette multitude fantasque, le jeune homme dirigeait ses 4 musiciens comme s'il n'eût fait que cela toute sa vie. Le violon du fougueux Kapellmeister était un bon instrument, bien meilleur que l'office qu'on lui faisait remplir. Demian éprouvait une joie étrange à l'entendre résonner à son oreille, à le sentir vibrer sur sa poitrine. Il ressentait aussi un orgueil singulier à dominer cette foule tout à l'heure hostile, et que maintenant il sentait à sa merci. C'est avec regret qu'il vit finir la valse. Il eût voulu jouer ainsi toujours, perdu dans une atmosphère enivrante de triomphe pour lui-même et de mépris pour les autres. Quand il eut déposé son archet, il fut entouré par les assistants qui le suppliaient de continuer. Les musiciens eux-mêmes, enchantés de ce qui pouvait nuire à leur chef, n'est-on pas toujours enchanté de ce qui peut ennuyer son chef hiérarchique, offrirent leur hommage à Demian. « Vous avez beaucoup de talent, » lui dit le maître des cérémonies. « Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter un verre de bière ?»« À condition que mon frère sera invité avec moi, » répondit fièrement Demian. Victor partagea l'ovation du jeune musicien, et 2 heures après, ils sortirent de là avec André, qui avait philosophiquement observé le tout sans s'étonner de rien, et qui avait pas mal crié en faveur de ses amis. « On m'a demandé votre adresse, » dit-il à Demian. « On viendra vous offrir demain le bâton de Kapellmeister. Soyez préparés à cette proposition et ne vous laissez pas éblouir par d'aussi brillantes perspectives. »« Ce n'est pas possible, » fit Demian ébahi. « Puisque je vous le dis, seulement, si vous acceptez, dans 15 jours vous serez dégommé par celui que vous remplacez aujourd'hui et qui sera rentré en faveur. Vous aurez de la peine à percer, mon ami. » Voilà 3 mois que je vous étudie, on ne fera rien de vous, vous n'êtes pas intrigant. » Il en fut comme l'avait prédit André, et Demian, pour la première fois de sa vie, puissent accorder le plaisir royal de refuser une position.